Alors que Don Diegue est inquiet pour son fils Rodrigue, celui-ci apparaît, et Don Diegue l'envoie repousser une attaque des Maures, seul moyen selon lui de contraindre le roi Don Fernand au pardon et de reconquérir le cœur de Chimène. Rodrigue, surnommé le Cid par les rois Maures vaincus, vient faire au roi Don Fernand le récit de son combat.